Fumer, Philippe, c'est quoi, t'es là? Les accords. J'essaye de suivre ce que tu faisais à la base. Allez, Zig. Ça va, ça fait, c'est normal.

changé. Walking out of town. Le batteur ne pas s'arrêter. Oh,